Santa Cecilia. Je peux jouer mon morceau maintenant, s'il vous plaît? Dans la lune. Ça n'a pas suffi de la mettre au monde. Maintenant, elle doit faire du piano. Elle doit apprendre, elle va apprendre. Ça et monter à cheval. Allons, mademoiselle. Vos mains, mademoiselle. Vos coudes, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Votre buste, mademoiselle. Votre dos, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Vos cuisses, mademoiselle, vos pieds, mademoiselle. Allons, mademoiselle, vos yeux, mademoiselle, votre cou, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Allons, allons, mademoiselle. Tu rêves? Moi, on ne m'a jamais appris. Après, c'était trop tard. Toute ma vie, je l'ai maudit. Qu'est-ce que c'était ton fort, déjà? J'oublie. Oh, la géométrie peut-être. Plane et dans l'espace. D'abord plane, ensuite dans l'espace. Pourquoi te lèves-tu? Une idée comme ça. Tâcher d'aller jusqu'au bord de l'eau. Et revenir. Remuer ma vieille viande. Eh bien, remue-la. Ne reste pas là à cogitasser. Ferme la bouche et vas-y. Ne mouille pas tes beaux souliers. Fais pas ceci, fais pas cela. Pas ça. Pas ça. Chérie. Pas ça. Pas ça. Oh, chérie. Là à voir tes fantômes, assis. Sur mon châle. On pourrait se frôler, c'est ça que tu crains. Henri. Oui? Tu devrais voir un spécialiste. Ça empire. Rien ne peut empirer. Parler tout seul, comme ça, tout le temps, sans t'arrêter, l'effet que ça doit faire sur Adi. Tu sais ce qu'elle m'a dit une fois quand elle était encore toute petite? Elle m'a dit « Maman, pourquoi que papy parle tout le temps ?» Elle t'entendait au cabinet. Je n'ai pas su lui répondre. Papy y a dit. Je t'avais dit de lui dire que je récitais mes prières. Gueulais mes prières à Dieu et à ses saints. C'est très mauvais pour la petite. C'est bête de dire que ça t'évite de l'entendre. Ça ne t'évite pas de l'entendre et de toute façon, tu ne devrais pas l'entendre. Tu dois avoir le cerveau atteint. Sage, Je ne devrais pas entendre ça. Je ne crois pas que tu l'entendes. Mais admettons, qu'est-ce que tu lui reproches? C'est doux, comme une berceuse. Pourquoi le hais-tu? Et si tu le hais, tu n'as qu'à t'en éloigner. Pourquoi viens-tu ici tout le temps? Pourquoi viens-tu ici tout le temps? Tu as le cerveau atteint. Tu devrais voir Holloway. Il vit encore, n'est-ce pas? Des bruits durs. Il me faut des bruits durs. Secs. Comme ça. De la pierre. De la pierre. C'est ça, la vie. Pas cette succion. Et pourquoi la vie? Pourquoi la vie, Henri? Il y a des gens. Pas un chat. Naturellement. Lorsqu'on aurait donné n'importe quoi pour l'avoir à nous tout seuls, il y avait toujours des gens. Maintenant que ça n'a plus d'importance, il n'y a pas un chat. Oui, qu'on puisse te voir dans les postures galantes, tu as toujours trouvé ça révoltant. Au moindre palage de fumée à l'horizon, tu rabattais ta jupe et te plongeais dans le Manchester Guardian. Le trou est toujours là après toute cette éternité. Le trou est toujours là. Quel trou? La terre est pleine de trous. Où nous l'avons fait enfin pour la première fois. Ah, celui-là, oui, je me rappelle vaguement. L'endroit n'a pas changé. Oh, mais si, moi, je le vois. Ça se nivelle peu à peu. Elle a quel âge maintenant? J'ai perdu la notion du temps. 12, 13, 14? Je ne saurais vraiment pas te renseigner, Henri. On a mis du temps à la faire. Des années qu'on s'y est acharné. Mais on y est arrivé à la fin. On l'a faite à la fin. Écoute-moi ça. C'est moins mauvais en bateau. Peut-être que j'aurais dû faire ma carrière dans la marine marchande. Ce n'est qu'en surface, tu sais. Dessous, c'est calme, comme dans la tombe. Pas un bruit, toute la journée, toute la nuit, pas un bruit. Normalement, je me promène avec le gramophone. Aujourd'hui, je l'ai oublié. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de vouloir le noyer. Va voir Holloway. Faisons un tour en canot. En canot? Où? Et Adi, quand elle va venir? Te trouver partie sans elle, faire un tour en canot? Elle serait au 100 coups. Tu étais avec qui tout à l'heure, avant de m'appeler? Je faisais mon possible pour être avec mon père. Oh, là, pas de problème. Je veux dire pour qu'il soit avec moi. Tu es un peu plus épaisse que d'habitude aujourd'hui, Ada. Je lui demandais s'il t'avait connu. Je ne me rappelais pas. Alors? Il ne répond plus. Tu l'as eu à l'usure, sans doute. Tu l'as eu à l'usure vivant et tu l'auras bientôt à l'usure mort. Le moment vient où il n'est vraiment plus possible de te parler. Le moment viendra où personne ne te parlera plus, même les inconnus. Tu seras seul au monde avec ta voix. Il n'y aura pas d'autre voix au monde que la tienne. Tu m'entends? Je ne peux pas me rappeler s'il t'a connu. Tu sais très bien qu'il m'a connu. Non, Ada, je ne le sais pas. Je regrette. Tout ce qui touche à toi, je l'ai, pour ainsi dire, complètement oublié. Tu n'étais pas là. Il y avait ta mère et ta sœur. J'étais passée te prendre comme convenu. Nous devions aller nager ensemble. Mais continue, continue. Pourquoi les gens s'arrêtent-ils toujours au milieu de ce qu'ils sont en train de dire? Personne ne savait où tu étais, tu avais découché d'après ton lit. Tout le monde s'injuriait, ta sœur disait qu'elle allait se jeter de la falaise. Finalement, ton père a pris la porte en la claquant. Parti peu après, je l'ai aperçu sur la route. Il ne me voyait pas. Il était assis sur une pierre et regardait vers la mer. Je n'ai jamais oublié sa posture. Elle était cependant tout à fait ordinaire. Toi, tu la prenais quelquefois. Peut-être tout simplement l'immobilité, comme s'il avait été changé en pierre. Je n'ai jamais pu me l'expliquer. Encore. Calme pas, Ada. Chaque syllabe est une seconde de gagner. C'est tout, je regrette. Tu peux continuer maintenant, ton père, tes histoires, ce que tu faisais tout à l'heure. T'occupe plus de moi. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Tu le pouvais tout à l'heure, avant de m'appeler. Je ne peux plus maintenant. Jésus. Oui, tu vois ce que je veux dire. Il y a des postures qui vous restent dans la mémoire pour des raisons qui sont évidentes. Un port de tête, par exemple, baissé alors que normalement elle aurait dû être levée, et inversement. Ou quelqu'un figé sur les marches d'un escalier ou d'un perron, un pied plus haut que l'autre, ce genre. Mais chez ton père, assis sur la pierre ce jour-là, rien de la sorte, pas le moindre détail à quoi s'accrocher en se disant « comme c'est bizarre ». Non, je n'ai jamais pu me l'expliquer. Peut-être tout simplement, je l'ai déjà dit, la grande fixité de tout le corps. Comme si le souffle l'avait quitté. Est-ce que ça t'aide un peu, Henri, ces sornettes? Non? Alors, je crois que je vais rentrer. Pas encore. Tu n'as pas besoin de parler. M'écouter, pas plus. Même pas. Être à côté de moi. Ada! Ada! Jésus. Sabot. Sabot. Jésus. Parti peu après, t'aperçois sur la route. Tu ne la vois pas, tu regardes vers la... Pas vers la mer, impossible. À moins que tu ne sois passé de l'autre côté. Tu y étais passé de l'autre côté? Père! Faut croire. Reste là à t'observer un moment, puis descends le sentier jusqu'au tram, monte sur l'impérial et s'assied à l'avant. S'assied à l'avant. Se sent soudain inquiète et redescend. Conducteur. Changer d'avis, mademoiselle? Remonte le sentier. Pas trace de toi. Très inquiète. Grande détresse. Traînaille un peu. Pas âme qui vive. Vent froid soufflant du large. Redescend le sentier. Remonte dans le tram et rentre chez elle. Dans le tram et rentre chez elle. Jésus. Mon cher Bolton, si c'est une picouse que tu veux, tombe ton froc et finissons-en. J'ai une panhystérectomie à 9h. Il veut dire l'anesthésie, bien sûr. Feu mort, froid pierre fendre, monde tout blanc, grande détresse, pas un bruit. Bolton se met à jouer avec le rideau. Difficile à décrire. Il le tire. Non, une façon de le serrer contre lui. La lune rentre à flot. Il le lâche, lourd machin de velours. Nuit noire dans la pièce. Recommence. Blanc, noir, blanc, noir. Holloway, Arrête ça pour l'amour du ciel. Noir, blanc, noir, blanc, à devenir fou. Soudain, il frotte une allumette, Bolton. Allume une bougie. La tient en l'air au-dessus de sa tête. Marche sur Holloway et le fixe en plein dans l'œil. Pas un mot que le regard, le vieil œil bleu, vitreux, paupières en charpie, plus de cils, tout ça noyé, et la bougie qui tremblote au-dessus de sa tête. Des larmes? Bon Dieu, non. Pas un mot que le regard, le vieil œil bleu. Holloway, si tu veux une giclée, dis-le que je foute le camp d'ici. Nous sommes déjà passés par là, Bolton. Ne me demande pas de recommencer. Bolton, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie, Holloway. La bougie qui tremblote dégouline en partout, plus bas maintenant. Le vieux bras fatigué. Il la prend dans l'autre main et la relève. C'est ça. Ça a toujours été ça. Nuit noire, cendre froide, bout de chandelle qui coule sur ta main tremblante, et cette saleté dans ta bouche. Je t'en prie, je t'en prie. Mendigotant, au pauvre. Ada. Père. Jésus. La prend dans l'autre main et la relève. Fixe Holloway en plein dans l'œil. Ne demandera plus rien que le regard noyé. Holloway se cache la figure. Pas un bruit. Monde tout blanc. Froid pierre fendre. Deux vieillards, grande détresse. Pas ça non plus. Pas ça non plus. Jésus. Avance. Emploi du temps à venir. Regardons voir. Ce soir, rien ce soir. Demain, plombier à 9h. Ensuite, rien. Plombier à 9h? Ah oui, le trop-plein. Le trop-plein. Samedi, rien. Dimanche, rien de toute la journée. De dimanche, rien. Toute la journée, rien. Toute la journée, toute la nuit, rien. Pas un bruit. C'était Cendre, une pièce radiophonique de Samuel Beckett, avec Roger Blin, Delphine Seyrig et Jean Martin. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.